siku mibariki. Paka vile ritangaziwa depuis dimanche, nduku Roger Kwabi arifika na yenjwa tanza mahubiri leo. Je m'excuse. C'est le frère Roger Kwabi. Ni nduku Roger Kwabi. Il vient de notre assemblée sœur de Brazzaville. Anatoa kumakutano yetu ya kubraza. C'est lui qui doit commencer la prédication aujourd'hui. Ni yeye ataanza mahubiri leo. Alléluia. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est moi, comme on vient de le dire, le frère Roger Kwabi de Brazzaville. Nduku Roger Kwabi wa Brazzaville. Je suis heureux d'être parmi vous. Niko na furaha kupatikana katikati yenu. Je l'ai toujours dit. Mina semaka kila mara. Que la famille Jésus, c'est la famille la plus grande. Jamaa ya Yesu ni jamaa mkubwa kabisa. Et comme la famille Jésus est la famille la plus grande. Na vile jamaa ya Yesu ni jamaa mkubwa kabisa. C'est ce qui fait que je quitte Brazzaville, j'arrive ici pour voir ma famille qu'on appelle la famille de Jésus. Ngeli nafanya mimi natoka ku Brazza na kuya huku juu ya kuona jamaa yangu yenye kuya jamaa ya Yesu. Je vous transmets les salutations des bien-aimés de Brazzaville. Namiletia masalamu ya bapendwa kule ku Brazzaville. Les salutations du pasteur Sam Kitoko. Masalamu ya mchungaji Sam Kitoko. Les salutations du pasteur Kapanga. Masalamu ya mchungaji Kapanga. Les salutations du pasteur Kalala. Masalamu ya mchungaji Kalala. Les salutations du pasteur Kalele. Masalamu ya mchungaji Kalele kule Kasumbalesa. Les salutations du pasteur Rigobert. Masalamu ya mchungaji Rigobert. Ici à Lubumbashi. Huko ku Lubumbashi. Les salutations du pasteur Clément Mutamba de Sodimiko. Masalamu ya mchungaji Clément Mutamba ku Sodimiko. Les salutations des frères de Pointe Noire au Congo Brazzaville là-bas chez nous. Masalamu ya banduku kule ku Pointe Noire ku Congo Brazzaville kule kwetu. Et les salutations du pasteur pasteur Aaron. Na masalamu ya mchungaji Aaron kule Kulwambo. Ainsi que tous les saints avec moi-même au nom du Seigneur Jésus Christ. Pamoja na batakatifu bote na mie mungina ya Yesu Christu. Je vous invite à vous lever. Na mialika mpate kushimama. Nous allons lire la parole de Dieu. Tutasoma neno ya Mungu. Nous lisons dans Acte chapitre 7. Tuko na soma mu Matendo ya Mitume sura ya 7. Acte chapitre 7, un seul verset, le verset 51. Tutasoma paka mustari moya ya makumi tano na moja. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunasoma mjina Yesu Kristo. Homme au courage. Bantu mama shingo ya nguvu. Incirconcis de cœur et d'oreille. Bashipo kutairiwa kuro na kumashikio. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Munekalaka mukukombanisa kila mara Roho Mtakatifu. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Kile kilikuwa baba yenu na mwe mko paka vile. Prions. Tuombe. Seigneur Jésus Christ. Bwana Yesu Kristo. Ce soir, nous te sommes une fois de plus infiniment reconnaissants. Imangaribi tuko na kushukuru tena kabisa. En ce que tu nous comptes parmi les vivants. Kwa sababu unatuhesabia katikati ya watu wazima. Et tu nous accordes la grâce d'être dans ta maison. Na unatukabulia neema ya kupatikana mu nyumba yako. C'est un grand privilège pour nous, Seigneur. Ni bahati mkubwa kwetu Bwana. Nous te prions de nous regarder au travers de ton sang. Tuko na kulomba upate kutuangalia kupitia damu yako. Que ton sang nous lave, nous sanctifie, nous purifie. Damu yako ituoshe na ipate kututakasa. Nous voulons aborder, Seigneur Jésus, cette parole dans quelques minutes ici présent. Mais dans ta parole, tu as dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous t'invitons d'être avec nous ensemble. commence avec nous. Wanze pamoja nasi. Et termine avec nous, Seigneur. Na umalize pamoja nasi Bwana. Prends l'orateur, utilise-le comme jamais auparavant. Mbebe ule atasema, mtumikishe sawa vile uyasemaka. Utilise l'interprète comme jamais auparavant. Tumikisha kutafsiri sawa vile uyamtumikishaka. Élève tout cet auditoire auprès de toi comme jamais auparavant. Nyanyua hii kundi kumbele yako vile uyaifanyaka. Et aide-nous à recevoir quelque chose venant de toi ce soir. Na utusaidie tupate kupokea kitu fulani kutokea kwako hii mangaribi. Que toutes les puissances de l'ennemi mauwezo yote ya giza pouvoir venir pour troubler cette réunion sous toute forme inaweza kuyajua kwa ngaisha hii ibada aina yote. Nous prenons l'autorité, nous les chassons ici au nom de Jésus Christ. Nabea mamlaka na kuifukuza hapa mjina Yesu Christ. Que la puissance Saint-Esprit puisse commencer avec nous cette réunion et termine avec nous. Uwezo wa Roho Mtakatifu ianze na si ibada na kumaliza pamoja nasi. Que les malades soient guéris, bagonja wapate kupona. Les captifs soient délivrés. Mafungwa wapate kukombolewa. La puissance du Saint-Esprit se déverse sur chacun de nous. Uwezo wa Roho Mtakatifu mwangike katikati ya kila mmoja wetu. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Tunajingojea tu kwako Bwana. Car nous t'avons ici prié. Ndio tunakuomba hivi. Au nom de Jésus-Christ. Mungina Yesu Kristo. Le Dieu puissant et véritable. Mungu wa uwezo na wa kweli. Amen. Amen. Vous vous asseoir. Munaweza kuikala. Nous allons parler de la circoncision du cœur et d'oreille. Tutasemea juu ya kutahiriwa kwa roho na kwa masikio. La circoncision du cœur et d'oreille. Kutahiriwa kwa roho na masikio. Je crois que ce n'est pas un sujet nouveau parmi vous. Nawazia kusema haina shina ya mupya katikati yetu. Car vous êtes très bien enseignés. Sababu mnafundishiwa mzuri. Mais toutefois, lakini kila mara, la parole de Dieu demeure la même. Neno ya Mungu inadumu paka moja. Et c'est cette parole de Dieu, na ni ile neno ya Mungu, qui est en train de nous façonner pour nous donner la forme que Dieu veut. Ile ambayo iko na tuchonga juu kutukaburia umbo ile Mungu anapenda. Que nous ayons pour lui plaire. Du tupate kuya juu ya kumpendeza. Et nous n'avons pas une nouvelle parole à vous amener. Atuna na neno mupya ya kumiletea. Car nous n'avons que l'ancien évangile. Sababu tuko paka na ile injili ya zamani. L'ancien évangile. Injili ya zamani. C'est l'évangile que les apôtres ont prêché. Ni injili ya mitume barihubiri. L'ancien évangile. Injili ya zamani. C'est cet évangile que tous les anciens du Nouveau Testament nous ont apporté. Ni ile bazé bote ba agano jipe barituletea. Alléluia. C'est cela que nous avons ici présent. Ndio ile tuko nayo hapa. Nous n'avons pas une nouvelle parole. Hatuna na neno ya mupya. Nous n'avons que l'ancien évangile. Lakini tuko tu na injili ile ya zamani. Car l'ancien évangile est si bon pour nous. Juu ile injili ya zamani iko mzuri kwetu. Les nouvelles choses amènent les gens à se perdre. Bitu bia sasa biko na peleka bantu mkupotea. Et nous n'avons pas besoin de nouvelles choses. Na atuitaji bitu bia sasa. Alléluia. Homme au courage. Bantu ba mashingo ya nguvu. Un circoncis de cœur et d'oreille. Bashipo kutahiriwa roho na masikio. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Muko na kombanisha kila mara Roho Mtakatifu. Ce que vos pères ont été. Kile kilikuwa baba yenu. Vous l'êtes aussi. Na njo mwe kile mwiko. Ça c'était la prédication forte du diacre Étienne. Ile ilikuwa ni mahubiri ya nguvu ya shemasi Étienne. La prédication du diacre Étienne. Mahubiri ya shemasi Étienne. Qu'on avait lapidé. Ule baripigaka maibwe. Qu'on avait tué. Ule bariuwaka. Ça c'était parmi ses dernières paroles. Ile ilikuwa kati ya misemo yake ya mwisho. Alors qu'il voyait le Seigneur assis sur le trône. Wakati alikuwa anaona Bwana mwenye kuikala mkiti kia yezi. Il parlait à ses frères israéliens. Alikuwa anasema na wandugu yake ba israélite. Il avait le cœur et les oreilles incirconcis. Bale walikuwa na mamioyo na masikio yasipo kutahiriwa. Et ils avaient toujours une compréhension contraire à la parole. Na walikuwa kila mara na kuelewa kwa kipindupindu na neno. Et c'est ça que nous avons aussi aujourd'hui. Na njo kile tuko nakyo na sisi leo. Quand un homme est incirconcis de cœur et d'oreille, wakati mtu ashina mwenye kutahiriwa roho na masikio, Il aura des difficultés de comprendre la parole de Dieu. Atakuwa na magumu ya kuelewa neno ya Mungu. Homme au courage. Bantu bamaro ngumu. Toujours opposant au Saint-Esprit. Kila mara kumbanisha Roho Mtakatifu. C'est pourquoi? Ndio kwa maana Dieu, Mungu, qui nous a tant aimés, ulare tupenda zaidi, qui ne veut pas que nous puissions demeurer avec des cœurs incirconcis, ulashipende tudumu na mioyo ya shipo kutahiriwa, et des oreilles incirconcises, na mashikio ya shipo kutahiriwa. Il veut nous purifier, et unapenda kututakasa, pour qu'il puisse prendre contrôle de nos cœurs, Dieu apate kuangaikia maro yetu, qu'il puisse lui-même habiter dans nos cœurs, apate ye mwenye kuikala mu maro yetu, et qu'il fasse de nous ce qu'il veut, na atufanye kile yeye anapenda. Vous savez, unajua, Israël dans Néhémie chapitre 9, Israël et Néhémie sura ya kenda, ils avaient des courades, mashingo ya nguvu. Néhémie chapitre 9, Néhémie sura yake ya kenda, le verset 16 et le verset 17, il dit, mustari 16 na mustari wa, mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et redirent leur coup. Bazazi yetu barijitoa kukiburi na kubakakuweka maro yabu inakuwa nguvu. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Abakushikie kamwe maamri yako. Ils refusèrent d'obéir. Barikatala kuti. Et ils mirent en oubli le merveille que tu avais faite en leur faveur. Na bakasabu madamani yote ulibafanishia. Ils redirent leur coup. Bakaweka mashingo yabu nguvu. Dans leur rébellion, na mutomboshi wabo, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Bakajikaburia mkubwa juu wapate kurudia mubutumwa wabo. Mais toi, tu es Dieu prêt. T'as pardonné, lakini wewe uko Mungu tayari juu ya kurumia, compatissant, mwenye kuwa na buluma, et miséricordieux, na mwenye kuwa na rehema, lent à la colère, au shirika ke bwepesi, et riche en bonté, na uko mtajiri mubwema, et tu les as pardonné, na ulibahurumia, tu ne les abandonnas pas, na au kubacha kamwe. Alléluia. Israël avait le courage. Israël alikuwa na mashingo ya nguvu. Ils se sont opposés à leur Dieu. Bari mukombanisha Mungu wabo. Le Dieu qui les a délivrés du pays de l'Égypte. Mungu alibakombola mwinchi ya Misri. Le Dieu qui leur avait préparé un pays merveilleux. Mungu alibatayarisha inchi ya damani. Mais Israël s'est rebellé contre leur Dieu. Lakini Israël akatombokea Mungu wake. Ils ont refusé de pratiquer le commandement que Dieu avait mis à leur disposition. Frère, quand quelqu'un a un courage, wakati mtu yuko na shingo ya nguvu, quand quelqu'un n'est pas circoncis de cœur, kama mtu roho haina yenye kutahiriwa, il ne peut pas obéir au commandement de Dieu. Asiweze kamwe kutii ku agizo ya Mungu. C'est ce que Israël avait fait. Ndio kile Israël alifanyaka. Dans Jérémie chapitre 6 verset 10, Yeremia sura ya 6 mstari wa 10, toujours le peuple avait des difficultés. Ni paka taifa na hii magumu. Jérémie chapitre 6 verset 10. Yeremia sura ya 6 mstari wa 10. A qui m'adresser? Ni nani ule nitazungumza naye? Et qui prendre à témoin pour qu'on écoute? Na kubewa mshuhuda juu apate kushikia. Voici leurs oreilles étaient circoncises. Tazama masikio yabo ni ya kukosa kutahiriwa. Et ils sont incapables d'être attentifs. Na abana na uwezo ya kushikiliza. Voici la parole de l'Éternel est pour eux un opprobre. Tazama neno ya milele iko kwabo kitu kya haya. Ils n'y trouvent aucun plaisir. Abapatie mwata fura moya. Israël avait le cœur ferme. Israël alikuwa na roho yenye kufunga. Ils ont redit leur coup. Barifungaka mashingo yabo. Ils n'ont pas voulu obéir à la voix de Dieu. Abakupenda kushikia sauti ya Mungu. Et ils n'ont même pas voulu entendre la voix de Dieu. Na abakupenda ta kushikia sauti ya Mungu. Oye, mon frère, ma soeur. Muna ndugu yangu na dada yangu. Vous savez. Munajua. Quand un cœur ou l'oreille est incirconcis. Wakati roho au rishikio ni kosa tariwa. Il est difficile d'entendre la parole de Dieu. Biko nguvu kushikia neno ya Mungu. Un cœur incirconcis. Roho ya shipo kutahiriwa. C'est un cœur difficile, un cœur tortueux. Ni roho ya nguvu yenye kufungana kabisa. Qui ne peut pas obéir à la parole de Dieu. Aiweze kamwe kutii kuneno ya Mungu. Un cœur incirconcis. Roho ya kukosa kutahiriwa. C'est un cœur toujours opposant à la parole. Ni roho ile kila mara kuna kombanisha kuneno. Un cœur incirconcis. Roho ya kukosa kutahiriwa. C'est un cœur qui n'obéit pas à la parole de Dieu. Ni roho aikalaje mkutii kuneno ya Mungu. Alléluia. Amen. Un cœur incirconcis. Roho ya kukosa kutahiriwa. C'est un cœur qui tourmente toujours le Saint-Esprit. Ni roho iko naangaisha kila mara Roho Mtakatifu. Un cœur incirconcis. Roho ya kukosa kutahiriwa. C'est vraiment un cœur vraiment difficile. Ni roho ya nguvu kabisa. Et c'est même ça la nature de l'homme. Na njo ile asili ya mutu. Le cœur de l'homme est tellement méchant. Roho ya mutu iko kabisa mubaya. Que sans le Saint-Esprit dans l'homme. Kusema bila Roho Mtakatifu ndani ya mutu. L'homme ne peut pas obéir à ce qui a mutu asiweze kamwe kutii kubitu bya Mungu. Alléluia. Même le cœur, l'oreille incirconcise. Hata rishikia shipo kutahiriwa. L'oreille qui n'est pas circoncise. Rishikia shipo kutahiriwa. N'entendra pas la parole de Dieu. Haitashikia kamwe neno ya Mungu. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur. Ndio, ndugu yangu na dada. Jeremia chapitre 17. Yeremia 17. Jeremia chapitre 17. Yeremia 17. Le verset 9. Mstari ya 9. Kutapa ce qu'il dit ici. Sikiliza kila anasema hapa. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Roho iko na yenye kufungana kabisa. Et il est méchant. Na iko mubaya. Qui peut le connaître? Nani anaweza kuijua? Vous voyez? Munaona? Le cœur de l'homme est tortueux. Roho ya mtu iko yenye kufungana. Ah, c'est comme un serpent. Iko sa nyoka. C'est comme ça que le cœur de l'homme. Ndio vile biko roho ya mtu. Le cœur de l'homme. Roho ya mtu. Est tortueux par-dessus tout. Iko yenye kufungana fashi yote. Alléluia. Et la Bible dit. Na Biblia inasema. Que le cœur de l'homme est méchant. Na roho ya mtu iko mubaya. Le cœur est méchant. Roho iko mubaya. Il est d'abord tortueux. Mbele iko ya makunja kunja. Yule ya yote. Et il est méchant. Na iko mtu mubaya. Le cœur de l'homme. Roho ya mtu. C'est ça même la nature de l'homme. Na njo ile asili ya mtu. La nature de l'homme. Asili ya mtu. C'est beaucoup de virages. Ni makumba mingi. Beaucoup de virages. Makumba mingi. Et c'est un cœur méchant. Na ni roho mubaya. Mais il dit, na, nasema, moi l'éternel, miwa milele, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, na chunguza viungo, pour rendre à chacun selon ses voies, kila mtu kufatana na manjia yake, selon le fruit de ses œuvres, kufatana na matunda ya matendo yake. Alléluia. Le cœur de l'homme par nature. Roho ya mtu mwasili. C'est un cœur tortueux. Ni roho ya mankumba nkumba. Alors, Dieu ne peut pas travailler avec un cœur tortueux. Mungu asiweze kutumika na ile roho ya mankumba nkumba. Dieu ne peut pas travailler avec un cœur qui a beaucoup de virages. Mungu asiweze kutumika na roho yenye kuwa na mankumba nkumba ya mingi. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur. Ndio ndugu yangu na dada yangu. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Roho iko na mankumba yule yote. Vous savez? Munajua? L'homme, mutu, par extérieur, kwa inje, donc à l'extérieur ici, uku inje, uku, il manifeste ce qui se trouve dans son cœur. L'homme extérieur, mutu wa inje, est la manifestation de ce qu'il est à l'intérieur. Ni kuonekana kwa kile kiko ndani ya roho yake. Alléluia. L'homme, mutu, c'est qu'il est, qu'il est, tel que nous sommes là, ivi tuko pale, le genre de vie que chacun de nous mène, mutu atakona kile kimutu anafanya, ça montre ce que nous sommes à l'intérieur. Iko naonesha kile tuko ndani. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ disait ceci. Bwana Yesu alianza kusema hivi. Dans Matthieu chapitre 15, le verset 19. Matayo 15 mstari wa 19. Écoutez. Sikiliza. Le Seigneur dit ici. Kile Bwana anasema hapa. Matthieu chapitre 15 verset 19. Matayo 15 mstari wa 19. Il dit quoi? Anasema nini? Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Sababu ni murongo natokea mawazo mubaya. Le meurtre, uaji, les adultères, mabusharati, les impudicités, mabuchafu, le vol, bwizi, le faux témoignage, maushuda ya bongo, les calomnies, na masingiziano. Tout cela provient du cœur. Yote binatokea ku roho. Mais, lakini, toutes ces mauvaises choses ici, vitu vyote vibaya hivi, ne peuvent que sortir d'un cœur impur. Inaweza tu kutokea ku roho ya buchafu. Lorsque le cœur est impur, wakati roho iko ya buchafu, alors vous c'est un cœur où on trouve toutes les mauvaises choses. Ni roho mule banapata vitu vyote vibaya. Eh! C'est un cœur qui s'opposera toujours au commandement de Dieu. Itakombanisha kila mara maagizo ya Mungu. Alléluia. C'est du cœur que viennent toutes choses. Tout ce que l'homme est en train de vivre extérieurement, c'est le fruit de son cœur. Si vous vivez l'hypocrisie, cela provient de votre cœur. Si vous vivez dans l'adultère, cela provient de votre cœur. Si vous aimez l'impudicité, cela provient de votre cœur. Si vous aimez toujours parler en mal des gens, cela provient toujours de votre cœur. Si vous avez toujours l'intention de faire quelque chose qui est mauvais, cela provient toujours du cœur. Or, le cœur de l'homme, c'est le tour de contrôle de l'homme. Et Dieu, na Mungu, il aime travailler avec le cœur de l'homme. Anapendaka kutumika na roho ya mtu. Mais Dieu, lakini Mungu, ne peut pas travailler avec un cœur impur. Mungu asiwezi kutumika na roho ya buchafu. Avec un cœur incirconcis. Na roho ya kukosa kutairiwa. Dieu ne peut pas travailler avec un tel cœur. Mungu asiwezi kutumika na roho ya ile namna. C'est pourquoi, njoo kwa maana, le cœur de l'homme doit être circoncis. Roho ya mtu inapaswa kutairiwa. Que le cœur de l'homme est circoncis. Wakati roho ya mtu inatahiriwa. C'est à ce moment-là Dieu peut travailler avec l'homme. Ni ule wakati Mungu anaweza kutumika na mtu. Alléluia. Amen. Le cœur de l'homme. Roho ya mtu. C'est ça le tour de contrôle de l'homme. Ndio ile kuna mwangalia mtu. Tout ce que nous faisons. Vyote vile tukunafanya. Ça vient du cœur. Vinatokea ku roho. Tout ce que nous vivons. Vile tukunaishi. Même nos paroles que nous prononçons. Hata mamisemo tukunasema. C'est là qu'on vient de notre cœur. Iko natokea pa ku roho yetu. Le cœur de l'homme. Roho ya mtu. Lorsqu'il n'est pas circoncisé, il demeure toujours incrédule. Dieu ne peut pas travailler avec un tel cœur. C'est pourquoi Dieu, il veut nous purifier nos cœurs en nous circoncisant, en y plaçant le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse prendre contrôle du cœur de l'homme. Pour que le Saint-Esprit puisse conduire l'homme. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu veut travailler avec le cœur de l'homme. Mais si le cœur n'est pas encore purifié par la circoncision, ce cœur-là, Dieu ne peut pas l'utiliser. Écoutez ce que Paul nous dit ici. Au sujet de la circoncision, la prédication, la condamnation par représentation. Fabanam dit ceci au paragraphe 201. Une prédication prêchée le 13 novembre 1960. Il le 13 novembre 1960. Ça c'est la version La Voix de Dieu. Il dit ceci. Qu'est-ce que signifie le mot circoncire? Un frère dit coupé. Ndugu mmoja akasema kukata. C'est exact. Nibia kweli. Couper la chair superflue. Kukata ile ngozi ya kupita. Voyez? Mnaona? Couper ce qui est superflu. Kukata kile kinesha kupita ako. La partie qui n'est pas utile. Sehemu ile haina na kazi. La circoncision. Ukutairiwa. Vedi. Mana yake. Être coupé. Kukatiwa. Oh. Diapo. Dans l'Ancien Testament. Mwagano la kale. Il n'y avait que le mâle qui pouvait être circoncis. Kurikuyaka paka mwanaume ndio wanaweza kumtahiri. La chair superflue était coupée. Ngozi ile ya kupita balikuwa naikata. Paragraphe 202. Nukta 202. Maintenant. Sasa. Ce que le Saint-Esprit fait dans les derniers jours, c'est qu'il retranche le superflu, il retranche la théologie du monde, il retranche les doctrines faites des mains d'hommes, il retranche toute incrédulité, il retranche tout. Etienne a dit, oh, un circoncis de cœur et d'oreille. Oh, ben, pourquoi Résistez-vous toujours au Saint-Esprit. Dieu a nini mungu na shindana kila mara na Roho Mtakatifu. C'est que vos pères ont fait. Kile baba wenu walifanya. Vous le faites aussi. Na mwe mungu na kifanya. Vous voyez ce que le Saint-Esprit veut faire dans l'homme. Munaona kile Roho Mtakatifu anapenda na mtu. Il veut couper quelque chose qui n'est pas utile. Yeye anapenda ukata kile kina na faida. Il veut couper l'incrédulité dans le cœur de l'homme. Penda ukata kutokuamini mroho ya mtu. Il veut retrancher tout ce qui empêche l'homme de croire réellement la parole de Dieu. Ebo natosha kiote kile unazibiria mtu aamini mzuri neno ya Mungu. Il veut couper tous les doutes dans le cœur de l'homme. Ebo napenda kukata shaka yote mroho ya mtu. Il veut couper tous les mauvais désirs dans le cœur de l'homme. Ebo napenda kukata mania yote mubaya mroho ya mtu. Il veut rendre l'homme saint. Ebo napenda kufanya mtu akwe mtakatifu. C'est ça l'objectif de Dieu. Ndio kifukuzio kia Mungu. Il veut le faire. Ebo napenda kufanya par la circoncision. Kupita kutahiri. Alléluia. C'est pourquoi nous parlons de la circoncision du cœur. Et la circoncision de l'oreille. Si comment? Dieu ne coupe pas ça au moyen de sa parole, s'il ne circoncit pas votre oreille, vous aurez la difficulté d'entendre la vraie parole. Vous aurez la difficulté de comprendre la parole. Et vous savez, l'oreille est la porte du cœur. Hein? Alléluia. Ce qui vient trouver la demeure dans le cœur entre par l'oreille. C'est pourquoi Dieu, il veut circonciser l'oreille et le cœur. Il veut couper tout ce qui n'est pas important. Il veut couper tout ce qui n'est pas important à notre oreille. Il veut purifier notre oreille pour que nous ne puissions pas entendre n'importe quoi. Il va circoncire notre cœur pour que nous soyons, nous ayons la facilité de comprendre ce que notre Dieu a besoin de faire avec nous. Alléluia. La circoncision du cœur et d'oreille. Oui, mon frère, ma soeur. Dieu va ôter ce qui n'est pas utile. Mungu atatosha kesho kwa na kazi. Il veut couper les mauvais désirs dans le cœur de l'homme. Eko napenda kukata mamia mubaya. Il veut couper les pudicités dans le cœur de l'homme. Eko napenda kukata busharati mroho ya mtu. Il veut couper les mauvaises pensées dans le cœur de l'homme. Eko napenda kukata mawazo mubaya mroho ya mtu. Il veut couper les meurtres dans le cœur de l'homme. Eko napenda kukata uwaji mroho ya mtu. Il veut couper les impudicités. Eko napenda kukata busharati mroho ya mtu. Il veut couper les vols le cœur de l'homme. Eko napenda kukata bwizi mroho ya mtu. Alléluia. Il veut couper les faux témoignages. Eko napenda kukata ushuhuda ya bongo. Qui se trouve dans le cœur de l'homme. Yenye kupatikana mroho ya mtu. Pour rendre le cœur pur. Ya kufanya roho ikuwe safi. Alléluia. Oui, mes bien-aimés. Ndio bapendwa. Dieu veut purifier nos cœurs. Mungu anapenda kutakasa mioyo yetu. Pourquoi il veut purifier nos cœurs? Dieu nini anapenda kutakasa mioyo yetu. Parce que c'est seulement ceux qui ont le cœur pur qui verront Dieu. Kwa sababu ni paka benye kuwa na roho safi bataona Mungu. Écoutez ce que le Seigneur dit ici. Sikiliza kile Bwana anasema hapa. Matthieu chapitre 5. Mu Matthieu sura ya 5. Le verset 8. Mstari wa 8. Écoutez ce que le Seigneur dit. Sikiliza kile Bwana anasema. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heri benye kuwa na moyo safi. Car ils verront Dieu. Bataona Mungu. Alléluia. Ceux qui ont le cœur pur, vale, ben, na moyo safi, ce sont ceux-là qui verront Dieu. Ni bo, ndio bataona Mungu. Mais comment rendre le cœur pur? Sasa, namna kani roeta, le cœur doit être purifié roe na pasa kutakaswa, par la circoncision. Kupitia kutahiriwa. Alléluia. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur. Ndio ndugu na dada. Seulement le cœur pur qui verra Dieu. Ni paka maro safi taona Mungu. Lorsque le cœur est plein de souillures. Wakati roe na jana buchafu. Le cœur est plein de mauvaises pensées. Le cœur est plein de choses contraires à la parole. Ce cœur-là ne peut jamais voir Dieu. Un mauvais cœur ou un cœur méchant. C'est un cœur où il y a plein d'histoires. Un cœur où il y a l'absence de la présence de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Dieu veut purifier nos cœurs. Mungu anapenda kutakasa maroho yetu. Le cœur pur. Roho safi. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heri bale benye kuwa na moyo safi. Car ils verront Dieu. Sababu wataona Mungu. Oui, mon frère, ma soeur. Ndio ndugu yangu na dada yangu. Aujourd'hui, il y a tellement d'hypocrisie. Leo kuko kabisa munafiki. Même au milieu des frères du message. Hata katikati ya ndugu wa mjumbe. Il y a tellement l'hypocrisie. Muko kabisa bunafiki. Et souvent. Na mara mingi. Les gens se font des bons chrétiens que quand nous sommes dans le bâtiment. Bantu wanakalaba kitu wazuri paka kama tuko mkanisa. Quand nous sommes dans le bâtiment. Wakati tuko mkanisa. Tout le monde a l'apparence de la sainteté. Kila mtu anaonekana sawa mtakatifu. Tout le monde a l'apparence de la piété. Kila mtu anaonekana mtawa. Tout le monde est enfant de Dieu dans le bâtiment. Mtu yote ni mtoto wa Mungu mbatimani. Mais dans le cœur des gens. Lakini maroho ya bantu. Il y a des choses qui sont cachées. Uko bitu ya kufichama. Que si on pouvait nous donner les lunettes pour voir ce qui se trouve dans le cœur des gens. Quand on regarde les lunettes, on est bien kufanika maroho ya bantu. On n'aurait même pas la capacité de fixer les yeux dans le cœur des autres. Atukupata hata uwezo ya kuangalia maroho ya bantu. Vous verrez des gens qui viennent à l'église. Utaona bantu wanakuja kanisa. Ils viennent écouter la parole. Baraka kusikiliza neno. Mais leurs cœurs sont impurs. Lakini maroho yabo yako mubaya. Maroho yabo. Dieu n'y vit pas. Mungu anamo. Oui, mon frère, ma soeur. Ndio ndugeona dada yangu. C'est tel que. Maroho yale namna. Ce sont des cœurs incirconcis. Ni maroho yakosa kutahiriwa. Ce sont des cœurs qui ne sont pas prêts pour aller dans l'enlèvement. Ni maroho ya shipoguya tayari ya kwenda kunyakuliwa. Oui, mon frère, ma soeur. Ndio ndugeona dada yangu. Le cœur de l'homme. Roho ya mtu. Oh, j'ai aimé l'exhortation qu'a fait hier le pasteur la nuit. Nilipenda ile makangamisho mchungaji afanya mbushiku. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 3. Imeandikiwa Yohana wa kwanza sura ya 3. Que si notre cœur ne nous condamne pas. Kama mioyo yetu haitukumu. Nous avons l'assurance devant notre Dieu. Tuko na hakikisho mbele ya Mungu wetu. Mais vous savez. Lakini mnajua. Nombre vient à l'église avec le cœur coupable. Ba mingi wako nakuwa kanisa na maroho yenye kuwa na mankosa. Ils ont fait des choses qu'ils n'ont pas confessé. Barifanya vitu bila kutubu. Ils vivent d'une mauvaise manière. Beko naishi mnamna mubaya. Ils viennent à moi à l'église. Hata vile wanakuwa kanisa. Pour se faire voir aux gens. Pate kuonekanisha kubantu. Et lui aussi il prie. Kusema yeye nako anaomba. Elle aussi c'est une sœur. Na yeye ni dada. Mais il y a plein de choses dans le cœur. Lakini vitu vya kuyala vya mingi muroho. Alors avec des tels cœurs. Na ile maroho yale namna. Ce sont des cœurs qui ne sont pas prêts pour aller dans l'enlèvement. Ni maroho yenye ina tayari kwenda mkunyakuliwa. Dieu veut purifier nos cœurs. Mungu anapenda kutakasa maroho yetu. A nous donner la circoncision. Mungu tutahiri. Oui mon frère, ma sœur. Ndio ndugu yangu na dada yangu. Pourquoi? Dieu a nini? Mais c'est l'amour de Dieu qui surabonde sur nous. Ni mapendo ya Mungu yenye kuzidi ndani yetu. Dieu ne veut pas que nous puissions manquer l'enlèvement. Mungu asipende tupuse kunyakuliwa. C'est pourquoi il a prévu cette parole. Ndio kwa maana tayarisha hii neno. Qui puisse nous vivifier. Ile inapasa kutupatia mshima. Ôter en nous tout ce que Dieu n'a pas créé. Ile inapasa kuotosha bile Mungu ashikumba ndani yetu. Pour nous donner. Ndio kutukaburia. La stature dont Dieu veut que nous ayons. Ali ile Mungu anapenda tupate kuya. Pour que nous puissions être prêts. Ju tupate kuya tayari. À le recevoir. Ya kumupokea. Quand tu parais dans les cieux. Wakati ataonekana mawingu. Oui mon frère, ma soeur. Ndio ndugu yangu na dada yangu. Le cœur de l'homme. Roho ya mtu. Un cœur tortué. Roho ya mankumba nkumba. Un cœur méchant. Roho mubaya. Mais au-dessus. Lakini huku yulu. Ile c'est un bon frère. Ni mtu mzuri, ni ndugu mzuri. Ni dada mzuri. Mais le cœur. Lakini muro. Tortué. Ya mankumba kumba. Avec plein de chambres. Na vitu vya mingi. Vile ndugu Branham anasema. Dans le cœur de l'homme. Muroho ya mtu. Il y a beaucoup de chambres dans le cœur de l'homme. Muko machumba ya mingi muroho ya mtu. Et souvent les gens. Na mara mingi bantu. Aiment recevoir le Seigneur comme leur sauveur dans leur vie. Ndio napenda kumupokea Bwana kama mwokozi maisha yabo. C'est que tout le monde a la facilité de faire devant le Seigneur Jésus. Ndio ile kila mtu yuko na bwepesi ya kuifanya mbele ya Bwana. Mais quand Jésus vient prendre le contrôle dans le cœur de l'homme tout entier. Sasa wakati Yesu anakuja kubeba uongozi ya roho ya mtu. C'est là où il se pose des problèmes. Ni kule kuko na anja mambo. Nombre ont reçu le Seigneur Jésus Christ. Ba mingi wanapokea Bwana Yesu Kristo. Comme leur sauveur personnel dans leur vie. Sawa mwokozi wao kipekee maisha yao. Mais qui n'ont pas donné l'accès au Seigneur Jésus Christ. Bala wangamulia Bwana Yesu bahati. De faire sortir tout ce qui se trouve dans les chambres de leur cœur. Apate kutosha biote binapatikana mu machumba ya maroho yabo. Oui mes bien-aimés. Ndio bapendwa. Dieu a besoin. Mungu anahitaji. Et il concerne nos cœurs. Tutahiri maroho yetu. Il veut habiter dans nos cœurs. Ndio anapenda kuikala maroho yetu. Pour qu'il fasse sortir tout ce qui ne lui appartient pas. Dieu atoshe biote biashipokuwa biake. Alléluia. Oui mon frère, ma soeur. Ndio ndugu na dada yangu. Le cœur de l'homme est tortué. Roho ya mtu iko na mankumba nkumba. Un cœur très méchant. Roho mo mubaya. Un cœur qui ne médite que le mal. Roho ile unafikiri paka bibaya vya bantu. Un cœur. Roho qui ne fait que trahir les autres. Iko na kosea paka bantu. Vous allez unasumbuliana na ndugu hapa, mnampatia mkongo, anaenda kwa ndugu mwingine, anasema mambo mengine, anaenda kule, anasumbuliana na dada fulani, anaenda kule mwingine, anaenda kusema mambo mengine. Ndio vile maro ya bantu iko. Oui, mon frère, ma soeur. Ndiyo ndugu yangu na dada yangu. Le cœur est tellement méchant. Roho iko kabisa mubaya. Dieu veut couper le superflu. Ndiyo kwa maana Mungu anapenda kukata bila vya kupita. Le superflu. Bila vinapita. Dieu veut le couper. Mungu anapenda kubikata. Pour que le cœur soit resté saint. Ipate kubakia takatifu. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur. Ndiyo ndugu yangu na dada yangu. Le cœur de l'homme. Roho ya mtu. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heri wenye kuwa na mioyo safi. Car ils verront Dieu. Sababu wataona. Pas sasa wakati roho ina safi. Ça veut dire qu'on ne peut pas voir Dieu. Ni kusema hautaona Mungu. Lorsque dans le cœur. Wakati muroho. Il y a plein de histoires. Muko bintu bya mingi. C'est un cœur qui n'est pas disposé à voir Dieu. Ni roho haina tayari kuona Mungu. Oui, mon frère, ma soeur. Ndio ndugu yangu na dada yangu. C'est pourquoi. Ndio kwa maana. Dieu veut circoncire le cœur. Mungu anapenda kutahiri roho. Il veut tailler le cœur. Mungu anapenda kutosha roho. Que lui-même Dieu. Dieu yeye mwenyewe Mungu. Puisse y habiter. Apate kuikala mu. Quand tu le bites dans notre cœur. Wakati anekala muro yetu, il nous conduira selon sa volonté à lui. Atatuongoza kufuatana na mapenzi yake yeye. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur. Ndio ndugu yangu na dada yangu. Le cœur de l'homme. Roho ya mtu. Un cœur très méchant. Roho moya mubaya kabisa. Le cœur. Roho. Vous pouvez être ensemble avec un frère. Unaweza kuwa pamoja na ndugu. Vous pensez qu'il est tranquille, vous aime. Unaweza kusema nakupenda. Mais dans son cœur. Lakini muro yake. C'est votre premier ennemi. Ndio adui wako wa kwanza. Nombreux sont comme ça. Mikono yetu iko vile. Parmi les bien-aimés. Katikati ya mapendwa. Vous parlez avec une sœur. Unasumuria na dada moya. Vous pensez que c'est une bonne sœur. Unawaza kwamba ni dada mzuri. Oh, dans son cœur. Japo muro yake. Il y a tout un vide. Muko kukosefu kabisa. Il y a que des histoires. Muko paka mamambo. Une autre semence en elle. Muko mbeku ingine ndani yake. C'est ça la difficulté que nous avons. Ndio magumu ambayo tuko nayo. Dans nos églises. Mu makanisa yetu. La difficulté que nous avons. Magumu ile tuko nayo. C'est que nombreux. Ni kusema ba mingi. Garde leur cœur comme ils ont été toujours. Beko na chunga maroya yabo paka vile banekalaka tangia zamani. Non régénéré. Maroya shipo kufanywa upya. Ce qui cause des problèmes dans les assemblées. Ndio ile kuna leta mamambo makutano. Écoutez un peu ce que Frère Branham dit ici. Si qu'il dit à quoi le Ndou Branham anasema hapa. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Rome takatifu ni nini? Paragraphe 31. Paragraphe 31. Dis ceci. Anasema. Et c'est ce que Dieu utilise aujourd'hui. Na ndio kile Mungu anatumikia leo. C'est le signe de la circoncision du cœur. Ni alama ya kutahiriwa kwa roho. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Qui fait de l'église de Dieu une église séparée de tous les autres credos. Yenye kufanya kanisa ya Mungu yenye kuachana na ingine mafundisho. De toutes les autres croyances. Na ingine maimani. Et de toutes les autres dénominations. Na maizebu ingine yote. La circoncision kutairiwa du cœur kwa roho qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Yenye haina kitu kingine isipokuwa Roho Mtakatifu. C'est ce que Dieu est en train d'utiliser dans son église. Ndio ile Mungu iko natumia mkanisa yake. Pour séparer son église de toutes les choses du monde. Dieu a kuachanisha kanisa yake na vitu vyote vya dunia. Séparer son église de toutes les appétits inutiles. Kutosha kanisa yake na mabifuzio vingine vya bure. Séparer les enfants de Dieu. Kutosha watoto ya Mungu, kutosha watoto ya Mungu. De tout ce qui ne contribue pas à leur bien vis-à-vis de la parole. Kwa vyote bile abifa idie kubizuri kumbele ya neno ya Mungu. C'est que la circoncision du cœur est en train de faire. Ndio ile kutairiwa kwa roho unafanywa. Au moyen du Saint-Esprit. Kupitia Roho Mtakatifu. C'est comme nous venons de lire ici. Ni mvile tunatoka kusoma hapa. Que heureux ceux qui ont le cœur pur. Sema heri wenye kuwa na moyo safi. Car ils verront Dieu. Sababu wataona Mungu. Et Dieu est en train de purifier le cœur de ses enfants. Na Mungu yuko na takasa maroho ya watoto yake. En les séparant de tous les credos. Mukubachanisha na vitu vingine vyote vya bongo. De toutes les choses du monde. Na bitu byote bya mudunia. De toutes les dénominations. Mazebu yote. Alléluia. Oh, écoutez, pensez que frère Branham commande ici. Laissez-moi parler avec un homme pendant 2 minutes. Muniache ko nisungumuze na mtu tu madakika mbili. Je peux vous dire s'il a reçu le Saint-Esprit ou non. Taweza kumionyesha kama alipata Roho Mtakatifu au hapana. Vous le pouvez aussi. Na mwe mnaweza kufanya paka vile. Alléluia. Ça le distingue. Iko na mwachanisha. Wakati mtu ni mwenye kutahiriwa, roho na shikio, kile kelke kie distingue. Mtu mwenye kuwa na achanisho. Alléluia. C'est une marque. Ni alama. C'est un signe. Ni alama. Et le Saint-Esprit est un signe. Na Roho Mtakatifu ni alama. Alléluia. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Écoutez. Sikiliza. Écoutez ce qu'il dit ici. Sikiliza kwanza kile anaendelea kusema hapa. Dans l'Ancien Testament. Mwagano la kale. Tout enfant qui refusait la circoncision. Mtoto yote alikuwa anakataa kutahiriwa. Il préfigurait le Saint-Esprit. Alianza kuonesha Roho Mtakatifu. L'enfant qui refusait la circoncision était retranché du milieu du peuple. Alléluia. Il ne pouvait pas avoir de communion avec le reste de l'assemblée. Si nous refusions d'être circoncis. Kama rikatala bamtairi. La circoncision du cœur. Kutairiwa kwa roho. C'est ce que Dieu est en train d'utiliser aujourd'hui. Ndio kile Mungu anatumia leo. Pour purifier l'église. Dieu kutakasa kanisa. Alléluia. Pour nous donner des cœurs purs. Dieu tukaburia maro safi. Pourquoi? Dieu anini. Parce que sans le cœur pur. Dieu bila roho safi. Personne ne peut voir Dieu. Hakuna mtu ataweza kuona Mungu. Si le cœur n'est pas purifié. Kama roho haina yenye kutakaswa. Au moyen du Saint-Esprit. Kupitia Roho Mtakatifu. On ne peut pas voir Dieu. Hatuwezi kuona Mungu. Écoutez ce que la Bible dit. Sikiliza kwanza kile Biblia inasema. Psaume chapitre 15. Mazaburi 15. Psaume 15. Mazaburi 15. Partie du premier verset jusqu'au verset 2. Kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa pili. Écoutez ce que la Bible dit. Sikiliza kwanza kile Biblia inasema hapa. Écoutez. Sikiliza. Oh Éternel. Oh Amilele. Qui séjournera dans ta tente? Nani ataweza kukaa mwema yako? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Nani atadumu kumulima yako takatifu? Celui qui marche dans l'intégrité. Ni ule mwenye kutembea na qui pratique la justice. Mwenye kutumia uhaki. Et qui dit la vérité selon son cœur. Na ule konasema ukweli ya kutokea muroho yake. Alléluia. Celui qui dit la vérité selon son cœur. Ule konasema ukweli ile ya kutokea muroho yake. Or un cœur qui n'est pas japo roho yashipo kwa safi ne peut pas dire la vérité. Huwezi kusema kama ukweli. Un cœur qui n'est pas circoncis. Roho yashipo kutahiriwa. C'est un cœur qui est attaché au mensonge. Ni roho ya kuambatana bia bongo. C'est un cœur qui se comporte n'importe comment. Ni roho iko najiongoza aina yote yote. Il dit pas la vérité. Aisemake ukweli. Un cœur impur. Roho ya buchafu. Dans le cœur impur. Roho ya buchafu. On ne trouve que des mauvaises choses. Unapatikana paka vitu vya bongo vibaya. Alléluia. Amen. Celui qui marche dans l'intégrité. Ule unatembea munyofu. Qui pratique la justice. Ule unatumia uhaki. Et qui dit la vérité selon son cœur. Na mwenye kusema ukweli ya kutokea muroho yake. Il ne calomnie point avec sa langue. Asikalage mkusingiziana na ulimi yake. Il ne fait point de mal à son semblable. Asifanyishiake bibaya ndugu yake. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Na asilete yake ndugu yake haya. Voyez quelqu'un qui a le cœur véridique. Tazama mtu mwenye kuwa na roho mzuri. Quelqu'un qui a le cœur pur. Mwenye kuwa na roho safi. C'est dans le cœur pur qu'on trouve la vérité. Ni muroho yenye kuwa safi banapataka ukweli. Un homme qui est sincère. Mtu mwenye kuwa moyo wake. C'est un homme qui a le cœur pur. Ni mtu mwenye kuwa na roho safi. Il ne dit que la vérité. Anasemaka paka ukweli. Alléluia. Soyons véridiques. Tukwe bantu ba ukweli. Soyons véridiques mes bien-aimés. Tukwe ba ukweli mapendwa. Lorsque le cœur n'est pas véridique. Wakati roho haina safi. C'est-à-dire c'est un cœur impur. Ni kusema ni roho ya buchafu. C'est un cœur qui ne peut pas voir Dieu. Ni roho iweze kamwe kuona Mungu. Qui ira dans la montagne sainte de l'Éternel? Nana atenda kumulima takatifu ya Bwana. C'est ceux qui ont le cœur pur. Ni paka benye kuwa na moyo safi. Qui marche dans l'intégrité. Benye kutembea munyofu. Qui font la volonté de Dieu. Benye kufanya mapenzi ya Mungu. Qui disent la volonté selon leur cœur. Benye kusema ukweli ya kutokea maroho yabo. Alléluia. Le cœur pur. Roho safi. Un cœur véridique. Roho ya kweli. Un cœur sincère. Roho ya waki. un cœur sincère. Aujourd'hui, Léo, la sincérité est rare. Waki inakuwa inakosekana kabisa. Je vous assure que la sincérité est rare. Na mihakikishia kusema waki inakosekana kabisa. Nombreux sont des menteurs. Ba mingi ni babongo. Ils disent pas la vérité. Abasemake kweli. Il a fait autre chose. Banafanya kitu kingine. Il va dire autre chose. Lakini anasema kitu kingine. Il a fait quelque chose là-bas. Anafanya kitu kimoja kule. Au lieu de dire seulement ce qu'il a fait. Pale pa kusema paka kile alifanya. Il vient fabriquer les histoires. Anakuya kutunga hapo bibintu. Les gens ne sont pas véridiques. Bantu abana ba kweli. Oui, bien aimé. Ndio mpendwa. Dans Psaume 24. Mon Zaburi 24:4. Kuanzia mstari wa 3. Écoutez. Sikiliza. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Nani anaweza kupanda kwa mlima wa milele? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Nani atapanda paka pahali yake takatifu? Celui qui a les mains innocentes. Ule mwenye kuwa na mikono asipo kuwa na nkosa. Et le cœur pur. Na roho safi. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge. Et qui ne jure pas pour tromper. Alléluia. Le cœur pur, frère. Rosafi nduku. Qui séjournera dans la montagne sainte? Qui ira dans l'enlèvement? En quelque sorte. Qui ira dans l'enlèvement? Qui montera dans l'enlèvement? C'est celui qui a le cœur pur. Ni ule mwenye kuwa na moyo safi. Japo. Votre cœur ne sera jamais pur. S'il n'y a pas le Saint-Esprit dans votre cœur. Oui, bien-aimé. Ceux qui ont le cœur pur. Benye kuwa na moyo safi. Ce sont ceux-là qui vont séjourner. Ni bale bataikala. Dans la montagne sainte. Mumulima takatifu. Ce sont ceux-là. Ni bale. Qui verront Dieu face à face. Bataona Mungu uso kwa uso. Ceux qui ont le cœur pur. Benye kuwa na moyo safi. Vous voyez bien aimé. Munaona bapendo. Nous avons des intérêts. Tuko na faida. De laisser Dieu circoncire nos cœurs. Ya kuacha Mungu atahiri mioyo yetu. Pour faire sortir de nos cœurs. Dieu atoshe mwa roho yetu. Tout ce que Dieu n'a pas créé. Biote bile Mungu ashikuumbe. Alléluia. La circoncision du cœur. Tu avais purifié nos cœurs. Au moyen de la circoncision. Kupitia kutahiriwa. Qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Aina ingine ni Roho Mtakatifu. Oui, mon frère, ma soeur. Mnaona ndugu yangu na dada yangu. La circoncision du cœur. Kutahiriwa kwa roho. Faut que le cœur soit purifié. Roho inapasha kutakaswa. Lorsque le cœur est purifié. Wakati roho inatakaswa. Alors il y a la sincérité dans le cœur. Pale mnakuwa uwaki muro. Ah, vous savez. Munayua. Un homme qui n'est pas sincère. Mutu ashipokuwa wa uwaki. Ah, c'est un hypocrite. Ni munafiki. Un homme qui n'est pas sincère, c'est un hypocrite. Mutu ashipokuwa wa uwaki ni munafiki. Quand vous n'êtes pas sincère, vous n'êtes qu'un hypocrite. Kama hauna mtu wa uwaki huko munafiki. Alors dans l'hypocrisie, comment vous pouvez avoir vous pouvez monter dans la présence de Dieu? Mubunafiki namna kana utaenda muwepo ya Mungu. Oui, frère. Ndio nduku. Ceux qui ont le cœur pur. Bale benye kuya na mio safi. Ils sont ceux-là qui verront Dieu. Ni bo bale bataona Mungu. Purifions nos cœurs. Tutakase maro yetu. Laissons Dieu purifier nos cœurs. Tuache Mungu atakase maro yetu. Oui, mon frère. Ndio ndugu yangu. Écoutez bien Ezekiel. Tusikilize kwanza mu Ezekiel 36. Ezekiel 36. Le verset 25. Musara 25. Écoutez. Sikiliza kwanza. Je répandrai sur vous une eau pure. Ni tamwanga yulu yenu mai safi. Et vous serez purifiés. Na mutatakaswa. Je vous purifierai. Nitamitakasaka. De toutes vos souillures. Mabuchafu yenu yote. Et de toutes vos idoles. Na masanamu yenu yote. Alléluia. Dieu veut circoncire nos cœurs. Mungu anapenda kutahiri maro yetu. Il veut couper le superflu. Eko napenda kukata vile vya kupita hapo. Les idoles. Masanamu. Vile ndugu bwana anatoka kusema hapa. Credo. Ma credo. Que nous avons placé en premier lieu dans notre cœur. Vile tunaweka fasha kwanza maro yetu. Qui empêche Dieu œuvrer en nous. Vile biko nashibiria Mungu kutenda ndani yetu. Dieu veut couper. Ndio vile Mungu anapenda kukata. Il veut nous délivrer. Eko napenda kutukombola. Au moyen de la circoncision. Kupitia kutahiriwa. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur. Ndiyo, ndugu yangu na dada yangu. La circoncision du cœur. Kutahiriwa kwa roho. La circoncision du cœur. Kutahiriwa kwa roho. Autrefois dans la Bible. Zamani mu Biblia. Dans l'Ancien Testament. Mwagano la kale. On a parlé de la circoncision de la chair. Baadaanza kusemea kutahiriwa kwa mwili. Dieu a circoncis Abraham. Mungu amutahiri Abraham. Abraham a circoncis sa postérité. Abraham alitahiri uzao yake. Aujourd'hui. Lakini leo. Ce n'est plus la circoncision de la chair. Haina kutahiriwa mu mwili. Mais il est question de la circoncision du cœur. Lakini ni mambo ya kutahiriwa muro. La circoncision du cœur. Kutahiriwa kwa roho. Qui n'est rien d'autre que le baptême du Saint-Esprit. Yenye na kitu kingine isipokuwa baptizo wa Roho Mtakatifu. Le signe avec lequel. Alama ambayo. Dieu va nous reconnaître quand il viendra pour enlever son épouse. Mungu atatutambuaka nayo wakati atakuya kunyanyua bibi wa harusi. L'église vous êtes là? Eti kanisa mko pale? Le baptême du Saint-Esprit. O baptizo ya Roho Mtakatifu. Autrefois. Zamani. La circoncision était utile dans la chair. Kutahiriwa ilikuwa ya mafahamu mwili. C'était le signe qui devrait distinguer le peuple que Dieu a choisi sur la terre. Ilikuwa na alama ilikuwa inaachanisha taifa ile Mungu alichagua pa dunia na mataifa mengine. Et c'est ça le signe pour aujourd'hui. Nani ile alama leo. Pour que vous soyez agréable dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Ni juu pate kumupendeza uwepo ya wa milele. Vous devez avoir le signe dans le cœur. Unapasa kuwa na alama muro. Le signe du Saint-Esprit. Alama ya Roho Mtakatifu. Alléluia. Écoutez ce que Frère Branham dit. Sikiliza kile ndugu Branham anasema. Dans la prédication. Mumahubiri. Pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination? Sababu kani atuna zebu ni maubiri. Parce que je vais voir ça facilement. Sijui kama nitaipata ile kwa wepesi. Écoutez. Sikiliza. Écoutez, Frère Branham dit ici. Sikiliza ndugu Branham anasema hapa hivi. Paragraphe. Paragraphe. 162. Aïe. Je sais pas si je vais le retrouver. Hein. Si Dieu quand même t'a pas tapé. Oh Seigneur. Bon, je vais lire ici au paragraphe 176. T'as sûrement pas mon octa 176. Si je commence à chercher, comme c'est le téléphone, ça va me prendre du temps. Kamina ta kutafuta tani beba wakati. Écoutez ce que fait Bonhomme dit. Il dit que l'endroit où nous en sommes. J'ai dit, Mirisema, c'est tout ce que nous pouvons faire. Njo ile tunapasha kufanya. Mais regardez, frère, ensuite Dieu a réconcilié ou a reconnu la foi d'Abraham. Mungu alipatanishwa na akajua imani ya Ibrahim. Il lui a donné le sceau, un signe. Alimukaburia muuri alama. La circoncision comme sceau de l'alliance. Kutairiwa sawa muuri ya agano. Ok. Paragraphe 178. Toujours la même brochure. Pas comme brochure. C'est vraiment bon. La circoncision de l'Ancien Testament était celle de la chair. Par contre, ici dans le Nouveau Testament, ce n'est plus la circoncision de la chair qui est utile. Aina kutairua mumwili kwenye kwa na mafaa. Pour nous dans le Nouveau Testament. Kwetu mwagano jipya. Que vous soyez circoncis dans la chair ou incirconcis. Bakutairi mumwili au bakutairi. Ce n'est même pas un problème pour Dieu. Aina tana mambo kumbele ya Mungu. Mais ce qui est important aujourd'hui. Lakini kwenye kwa kabaila leo. C'est un cœur qui met en pratique le commandement de Dieu. Ni roho yenye kuweka mutendo amri ya Mungu. Alléluia. Or le cœur qui met le commandement de Dieu en pratique, c'est un cœur qui est baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, il vivra la parole sans complication. Ataishi neno bila mambo. Alléluia. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, wakati mtu ana Roho Mtakatifu, il est déjà marqué par le Seigneur Jésus-Christ. Ni mwenye kuwekwa muhuri na Yesu Kristo. Par le sceau. Kupitia muhuri. Le signe. Alama. Le baptême du Saint-Esprit. Baptizo Roho Mtakatifu. En tout cas, c'est un candidat pour le ciel. Ule muntu yuko tayari juu ya mbingu. Alléluia. Amen. Autrefois. Zamani. La circoncision était utile dans la chair. Kutairiwa kulikuwa kwa mafahamu mwili. Mais aujourd'hui. Lakini leo. Ce n'est plus question de la chair. Haina mambo ya mwili. Dieu veut voir le signe dans le cœur. Mungu anapenda kuona alama muro. Alléluia. Amen. Oh, dans l'Ancien Testament, japo mwagano la kale, pour que Abraham puisse recevoir ces signes-là, juu Ibrahim apate kupata ile maalama ile. Il est passé par des processus. Alipita mambo. Il est passé par la foi. Alipita muimani. Il a cru en Dieu. Aliamini ndani ya Mungu. Et après avoir cru en Kisha Dieu. Kuamini ndani ya Mungu. Du fait qu'il avait la foi en Dieu. Vile alikuwa na imani ndani ya Mungu. Il a obéi à la parole de Dieu. Alitii kuneno ya Mungu. Et c'est cette obéissance là. Nani ile kutii kule. Qui a mené Dieu à lui donner un signe. Ile ikaburia Mungu amkaburie alama. C'est la même chose aujourd'hui. Ni mambo moya moya na leo. Si vous voulez que Dieu puisse vous marquer de ces signes-là. Comme on appelle Mungu akweke muri ile alama ile. C'est cela du Saint-Esprit. Ya ile muri ya Roho Mtakatifu. Il faut d'abord croire. Unapata kwanza waamini. Croire à la pure parole. Kuamini neno ya kweli. Lorsque vous croyez. Wakati unaamini. Vous devez obéir au la parole. Unapata kutii kuneno. Lorsque Dieu trouvera l'obéissance de sa parole en vous. Wakati Mungu ataona kutii kwa neno ndani yako. Alors il viendra agréer votre foi. Atakuwa sasa kukubali imani yako. Par la circoncision du cœur. Kupitia kukutahiri roho. Yeye na kitu kingine ni kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Alleluia. Amen. Que Dieu bénisse pour ce soir. Mungu ambariki Dieu mangaribi. M'excusez, je ne savais pas que Mutanyurumia. Sikujua kusema nitashimama 45. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana mbariki.